Bougez, bougez, non bougez, ma. Eva. Bala mafe bala mbela ngai. Biloko tolia ka zuwana.

Camara. Wapi ba 12 bala, Masimba Tefa. Sous-titrage Société Radio-Canada. Come on. Thank you.

makobo Dikimbula Mimi Avio Marcel Moutambaye Okay. Adeline Chopin à Bangui.